Radio Mont-Blanc, l'agenda. Et on part à Saint-Pierre-en-Faucigny pour sa pause dans le pays rochois qui revient pour une seconde édition à l'espace Armand Bouvard. Sur place, ce samedi 11 octobre, vous retrouverez un marché 100% gratuit, des informations sur le compostage, des conseils gratuits personnalisés sur la rénovation énergétique. Il y aura également des vélos à assistance électrique proposés à la location courte ou longue durée par proximité, le service de transport et de mobilité au pays rochois. Il y aura également un hyper café, une démonstration de couches lavables, des conseils pour un jardin zéro déchet. Bref, un événement gratuit ouvert à tous qui vise à promouvoir les initiatives innovantes, festives, conviviales du territoire. Direction Sallanches, les terrains de rugby. Radio Mont-Blanc, partenaire officiel du Rugby Club Faucigny-Mont-Blanc, venez encourager l'équipe féminine du RCFMB pour leur premier match à domicile de la saison. Elles affrontent Saint-Jean-de-Bournay ce dimanche 12 octobre au stade de Cayenne à Sallanches à 14h. Et puis ce dimanche également à La Roche-sur-Foron, changement d'ambiance pour la foire de la Saint-Denis. De 10h à 18h, le centre-ville vibrera au rythme d'une grande fête agricole où tradition, terroir, convivialité se donnent rendez-vous. Les rues du centre-ville accueilleront plus d'une centaine d'exposants, des déambulations musicales. Vous pourrez également profiter de nombreuses animations, le village des producteurs, la mini-ferme, les manèges, la tyrolienne, ainsi que la découverte de vieux tracteurs, tontes de moutons, sculptures sur bois sont également au programme. Une exposition de matériel agricole sera présentée devant la mairie et DJ Matafon animera la scène à 15h30. Et plein d'autres surprises sont également prévues. Faut quand même qu'on en parle, hein, parce que Charline était dans ma team. Elle était dans ma team un peu trail, sport, plutôt course, running. Mais ah, je suis toujours. Oui, mais tu changes un peu quand même. Tu t'éloignes un petit peu avec le rugby. Ouais. Parce que là, dans l'agenda, donc, il y a un match qui aura lieu demain soir. Peut-être qu'on va, on va t'y retrouver sur ce match. Non, c'est dimanche. Dimanche soir. Non, vendredi, c'est l'entraînement. Ah oui, c'est ça. Vendredi, entraînement, dimanche, le match. Peut-être qu'on va te voir sur la pelouse. Potentiellement. Je serai en bord de terrain, ça, c'est sûr. Est-ce que je vais rentrer sur le terrain? Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Bon, je serai là, tu sais quoi? On verra. On prend rendez-vous dimanche.